Tiara le cousi son rhododan. Y'avait pas les gouttes, j'ai pris les Hogan. J'ai pris le 30 regard dans le paquet de blonde. Regarde le échoffe, il sert pour une blonde. J'ai trop d'autres dans la tête. En plein mois d'août, on encaisse. Sur 10 kilos, je prends ma pièce. Asics plus haut, ça kermesse. Passe-moi le Nokia, je vais appeler le cous. En sortant de la rocade, ils m'ont contrôlé. Je voulais pas le frapper, il m'a fait le fou. Garde-moi le pochon, je me sens pas jolé. Je vis que la nuit, on se cale, on fume des pétards. À cette heure-ci, y'a que les civils, vas-y, on rentre au Tchécar. Il est rentré à l'huile, je crois qu'il lui reproche une affaire. Appelle le cous au Hebs qu'on lui fasse rentrer des affaires. Tu me demandes du respect, en vrai tu es plus petit que moi. Crois pas que je dors sous le spé, moi je me regarde dans le miroir. Tu me demandes du respect, en vrai tu es plus petit que moi. Crois pas que je dors sous le spé, moi je me regarde dans le miroir. Ok, pourtant j'suis dans le del, ouais, c'est le bordel. J'suis mortel, je vais te faire tuper par belle. Ouais, j'suis dans le del, c'est le bordel. J'suis mortel, je vais te faire tuper par belle. J'suis dans le del, c'est le bordel. J'suis mortel, je vais te faire tuper par belle. Moi qui croyais qu'on était les mêmes. S'il te plaît, arrête, non, t'es pas honnête. Moi, j't'aurais tout donné. Attends, pas que j'suis pas une marionnette. J'suis gentil, mais ne lève pas la voix. J'te manque qu'une fois, ça y est, chacun sa voix. Des fois, j'fais des fois les mauvais choix. Y'a ceux qui parlent de Dieu et ceux qui ont la foi. Au studio, j'suis posé. J'suis gazé, on me demande de poser. Mais j'ai le cerveau explosé. Le C3 a cramé, juste en bas du studio. Faut tout niquer cette année, m'a dit le petit Pichu. Elle me demande de rester, en vrai je veux rentrer chez moi. Elle me demande du respect, mais t'es me nique avec moi. Elle me demande de rester, en vrai je veux rentrer chez moi. Elle me demande du respect, mais t'es me nique okay, avec moi. Je suis dans le del, ouais, c'est le bordel. Je suis mortel, je vais te faire tuper par belle. Ouais, je suis dans le del, c'est le bordel. Je suis mortel, je vais te faire tuper par belle. Je suis dans le del, c'est le bordel. Je suis mortel, je vais te faire tuper par belle.